Bonjour Jean-Pierre, Oui, bon. avant de commencer par ta petite soirée d'hier soir par rapport à ton départ en retraite, est-ce que tu peux nous faire un peu une rapide présentation de toi? J'ai 60 piges, j'ai été ouvrier dans la chimie, dans une boîte qui ressemble à celle d'AZF pendant 42 ans, AZF Toulouse, quoi. J'ai été ouvrier, j'ai jamais monté. J'ai été syndicaliste, je suis encore syndicaliste. Je suis militant anarchiste et je m'occupe aussi d'une librairie libertaire sur Rouen qui s'appelle Insoumise. Et puis je fais plein de trucs, un label de disques, plein de choses, je ne me rappelle plus comme ça, mais à force. Et puis j'écris des bouquins. J'écris des bouquins depuis 15 ans. C'est des bouquins sur le travail, notamment Putain d'usine. Qu'est-ce qui t'a amené effectivement à commencer l'écriture? C'est quoi le déclic Bah, de commencer l'écriture, j'ai bah. toujours écrit, hein, mais j'écrivais des tracts ou des articles ou des choses comme ça. Mais écrire un bouquin, c'était. En fait, je voulais pas écrire un bouquin. Il y a eu un accident du travail au boulot qui fait que le mec est mort quasiment devant mes yeux. Et ça m'a renvoyé à un autre accident auquel j'avais échappé. Et puis ça m'a fait écrire sur le travail, quoi, sur pourquoi on travaille alors qu'on peut mourir au travail. Ne travaillez jamais, ça s'appelait en référence au situationniste. Et puis donc cet article-là, c'était des débuts d'Internet, je l'ai envoyé partout, il a été repris dans les journaux alternatifs, sur des sites et tout ça. Et puis bah, les gens m'ont dit, bah, c'était ton premier chapitre, continue. Et puis donc je me suis dit, bah oui, je vais. Comme je ne trouvais pas de traces d'ouvriers dans la littérature française, je me suis dit, je vais écrire en tant qu'ouvrier, ce que je ressens et tout ça. Et en plus, je voulais faire un livre politique qui soit à la première personne. Et pas dire nous, mais dire je. Tu te définis un peu comme un écrivain prolétarien? Bah, enfin, moi, je ne savais pas que ça existait, ce terme-là, mais je ne savais pas que ce terme-là existait. J'ai découvert ça après. Comment tu regardes toi d'extérieur, vu que tu as toujours travaillé, et on peut pas dire que tu es un écrivain professionnel, ou du moins tu n'as pas fait ta Non, bah non. profession pour vivre, le monde de la littérature et les sujets qui sont traités à la télévision ou dans la grande presse en général? De toute façon, à la télévision, ils parlent pas des ouvriers, ou ils parlent des ouvriers que quand les boîtes ferment. Et en plus, c'est pour montrer qu'ils souffrent, la boîte va fermer. S'ils se bagarrent, comme les Contis, ils passent plus pour des. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Hors la loi. Donc c'est ça quoi. Donc le prolo n'a plus place dans la presse, dans les médias. C'est pour ça aussi que j'ai pris ma plume. Mais bon, je suis pas tout seul quand même. Mais après, en fait, mon bouquin il est paru après les élections de 2002 où on s'est aperçu que les ouvriers ils s'étaient abstenus. Et donc ils se sont un petit peu dit, ah tiens, peut-être qu'il faudrait qu'on se renseigne pourquoi ils votent plus à gauche. Et donc il y a eu des bouquins qui sont parus, tout ça, les sociologues se sont un petit peu réveillés, parce qu'en fait, en sociologie, il n'y avait plus d'études sur les ouvriers. Il y avait des études sur le tatouage, sur n'importe quoi, t'en trouvais, sur les ouvriers, il n'y en avait plus. Et donc ça s'est refait depuis, mais bon, c'est marginal, quoi. Mais il y a eu beaucoup de bouquins qui sont parus, qui sont plus des témoignages que de l'écriture, vraiment, mais une caissière d'hypermarché, quelqu'un en open space, ou. Tout ça. Ouais, c'est plus de la monographie que. Voilà, c'est ça, c'est pas. C'est comme si c'était une interview mise sur papier, quoi. Aujourd'hui, pour traiter du quotidien, du salariat ou de comment les gens y vivent leurs souffrances, je pense par exemple au polar. Est-ce que on peut considérer que le polar aujourd'hui est le genre qui, à mon sens, est le plus politique par rapport au roman et toutes ces choses? Bah, en fait, si tu voulais avoir des histoires d'ouvriers, tu étais obligé de lire des polars, français notamment, mais pas que. Et effectivement, la littérature prolétarienne était plutôt au niveau du polar. Bon, après moi, c'est pas le polar qui m'a fait écrire. C'est, si je dis que c'est des genres comme Annie Ernaux ou des choses comme ça, des personnes qui parlent d'elles, même si on n'est pas du tout sur la même tranche, ne serait-ce que sur les ventes de bouquins, mais aussi c'est une intellectuelle qui raconte ses histoires personnelles. Mais là, moi, j'avais envie d'écrire mon histoire personnelle, mais par rapport au travail. J'ai pas envie de vider mon sac sur mes relations sentimentales. Mais bon, donc je me suis. J'ai pas un genre particulier. J'écris ce que je vis au travail. J'ai raconté le syndicalisme, l'industrie et tout ça. Quand j'ai parlé des patrons, je l'ai fait sous forme de polar parce que c'était plus marrant, quoi. Mais je voudrais aussi essayer de faire un truc d'anticipation, mais j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait j'en lis très peu. Donc, parce que je voulais faire un tuton patron, mais dans le futur, quoi. Une fois que nous on a gagné, mais avec beaucoup de difficultés, et qu'ils essayent de revenir. Comment te percevaient tes patrons, ton PDG, je sais pas si tu l'as rencontré un jour. Oui, non, le PDG, non. Quand même pas. Je me suis arrêté au Ou directeur bien général, mais pas le PDG. tes collègues, comment ils regardaient un petit peu ton travail, et est-ce qu'ils avaient bienveillance, critique? Bah, Comment ça ça? dépend. Les cadres de ma boîte étaient, comment dire, un peu gênés, parce que je passais plus à la télé qu'eux. Mais donc, si je passais à la télé, c'est qu'il y avait un certain intérêt à ce que j'écrivais. Mais eux, ils étaient pas d'accord avec ce que j'écrivais. Pour les camarades, les prolos, dans la majorité, ils étaient plutôt. Enfin, je dis les ouvriers, quoi. En majorité, ils étaient contents que j'écrive, quoi. Et même quand Putain d'usine est sorti, j'ai eu des problèmes parce que la CFDT a fait vraiment un comment dire, quelque chose contre moi, une campagne contre moi, vraiment. Hein, ils voulaient me descendre. Enfin, c'est toujours le cas, hein, jusqu'à la veille que je parte. C'était comme ça. À une échelle locale ou À une de... échelle de ma boîte, oui. carrément. Ah oui, de ma boîte, c'était assez conflictuel. J'ai même eu encore dernièrement un tract dans lequel ils me citaient parce que j'écrivais. La CFDT, ils mettent ça. C'est n'importe quoi. Quand tu fais ça, c'est que tu tires tes dernières cartouches, quoi. Et non, autrement, j'étais plutôt bien vu, bon, par les gens de la CGT, ça c'est clair, même si m'en prends aussi au syndicat quand même. Mais bon, ils sont assez d'accord, en plus je suis dans la CGT Chimie, la CGT Chimie est très trustée par des gens d'extrême gauche, quoi. Assez général, c'est presque un sud, hein. C'est pour ça que j'y suis resté. Alors voilà, c'est ça, quoi. Et donc j'ai eu des problèmes. Les contremaîtres qui m'aimaient pas trop parce qu'ils savaient pas trop comment me prendre parce que je semblais plus intello qu'eux, quoi. Qui eux regardent juste TF1 et puis c'est tout. Et au niveau de la direction, donc ils savaient pas trop comment me prendre. J'ai eu un DRH qui était plutôt tendance culturelle, donc il aimait bien avoir un ouvrier qui écrit dans sa boîte. Par contre, au niveau là-haut, direction générale et tout, c'était la guerre. Ils me suivaient. Pourtant, Internet n'était pas si développé que ça, mais ils savaient si j'avais fait comment dire, une conférence à tel endroit, si j'allais dans telle bibliothèque, n'importe où. Je me rappelle même une fois en réunion, alors qu'il y avait tous les syndicats, ça n'avait rien à voir. Il me sort la vie catholique. Bah, vous êtes dans la vie catholique? Oui. Etc. Et le dernier, en plus, avec Facebook, bon, je connaissais pas bien, c'était les débuts de Facebook, j'avais pas mis comment dire, de barrière, et donc j'ai eu mon PDG qui est allé dessus, puis qui me l'a fait savoir. Mais bon, je m'en fous. Qui voit que j'ai écrit tu ton patron, au contraire, ça me fait plutôt plaisir. Parce que hier soir, en fait, tu as organisé une petite fête pour la fin du Turbin, dire un Bye peu bye, ça. Turbin. Bye bye Turbin. Est-ce que tu peux un peu nous représenter Ouais, un petit peu la soirée et, Alors le pourquoi, normalement je voulais rien faire pour partir, comme à l'usine maintenant c'est un peu c'est comme ça que ça se passe, il y a très peu de pots de départ. Les gens se barrent, on croit qu'ils partent en vacances. C'est souvent le cas. Après, bon, il y en a quelques-uns qui réfléchissent et puis qui refont un pot, mais une fois qu'ils sont en retraite, c'est pour revoir les copains, quoi. Et puis moi je voulais rien faire. Le jour du départ, de mon départ, ça a été quelque chose, puisque c'est une journée d'études de mon syndicat, donc on s'est retrouvés à presque une quarantaine ensemble. On a discuté, on a pris l'apéro. Pour mon dernier jour de travail, je trouvais que c'était cool, hein. Puis l'après-midi, il a fallu que j'aille voir la DRH pour solde de tout compte, rendre mes badges et tout ça, quoi. Et puis l'usine était complètement à l'arrêt. Et vraiment, c'était pour moi une usine à l'arrêt le jour où je pars, à cause d'une panne. Bon, ça aurait été à cause d'une grève, ça aurait été encore mieux, mais à cause d'une panne sur un élément qui était dénoncé par les CHS depuis des mois et des mois, puis ils ont laissé faire, et l'usine est tombée, je sais pas, une heure avant que je parte, quoi. Il y en a, ils ont des feux d'artifice. Moi, j'ai eu l'usine arrêtée en silence complet. Il faisait beau et tout. J'ai dit, ah, super. Ça m'a fait plaisir. Donc, j'avais pas envie de faire grand-chose, quoi. Pour moi, j'avais fait avec les copains du syndicat et tout. Ça m'allait bien. J'avais vu les collègues que j'aimais bien quelques jours avant et tout ça. On avait discuté, pris un petit coup comme ça, mais pas officiellement, quoi. Et puis, ça m'est venu. J'étais en vacances en Espagne et puis avec ma compagne on se dit je dis il faut que je fasse quelque chose quoi c'est en plus je savais que la pièce que j'ai écrite Des nuits en bleu devait s'arrêter en décembre et puis elle a tourné beaucoup en 3 ans vraiment elle a beaucoup plus tourné que la première version quoi c'est fou ils ont eu plein de prix enfin bref. Donc je me dis, bon, bah, il faut que je marque le coup, je voudrais faire la dernière avec eux, enfin, les faire jouer, quoi. Et puis les faire découvrir aux gens que j'ai envie qu'ils la voient, quoi. Et puis après, je me suis dit, mais bon, la pièce, c'est gentil, mais c'est pas assez. Et puis bon, j'ai quand même pas mal de connaissances, hein. J'ai été dans la musique assez longtemps. Et puis bon, je voulais aussi, comment dire, donc les Thompson Brothers, qui sont des... un peu fou quoi dans leur manière d'appréhender la musique et donc je me disais c'est très bien j'ai envie de les prendre en plus quand je leur ai demandé ils m'ont dit bah, il n'y a pas de souci pour toi et tout ça après donc je rencontre une DJ qui me dit oh bah oui pour toi il n'y a pas de souci enfin bon bref quoi. Donc on a monté la soirée j'ai pu avoir un centre culturel ce qui est quand même pas donné à tout le monde Enfin non, j'ai eu de la chance, quoi. Bon, forcément, quand on arrive à un certain âge, on a de plus en plus de connaissances, ce qui fait qu'on peut faire plein de choses, quoi. Et puis voilà, quoi, on était presque une centaine hier soir. C'était hyper émouvant, marrant, agréable. Et c'est bon, c'est assez marrant parce qu'il y a des gens que j'avais pas revus depuis 30 ans ou des choses comme ça. Ça fait quelque chose, quoi. Mais c'était... Tu étais même sur la scène pendant Oui, la en plus, pièce. ouais, ça, c'était pas prévu au programme à l'origine, mais comment dire, celui qui jouait le rôle de l'écrivain a dit, bah, moi, de toute façon, on avait décidé d'arrêter en décembre, je ferai pas une date en janvier, je pars en vacances, et puis, donc, il a fallu que, il est en retraite, hein. Il a fallu que, comment dire, je me dépêche d'essayer d'apprendre le bon texte, on a fait quelques répétitions, et puis voilà, je me suis retrouvé dans la peau de l'écrivain sur scène. C'était une expérience intéressante, mais très stressante. Je n'aime pas trop stresser. Tu préfères écrire que jouer, c'est ça? Voilà, complètement. Ou alors jouer, mais tout seul. En plus, il faut écouter un metteur en scène. C'est compliqué pour moi. Je m'aperçois que j'aime vraiment pas l'autorité. Et que, bon, en plus, comme c'était moi qui avais écrit le texte, tout ça, avec les metteurs en scène, c'est toujours un peu conflictuel. Mais bon, ça a été. Ils sont sympas, on s'adore. Et c'est une expérience intéressante, quoi. Est-ce que tu peux présenter brièvement les copains qui jouaient hier soir? Bah, c'est la compagnie du théâtre d'en haut, qui est une compagnie amateur, mais qui fait énormément de boulot sur la région, qui organise des festivals de théâtre amateur, qui organise des stages et tout ça. Enfin, c'est vraiment très... Ils sont très nombreux, quoi. Et puis donc, il y a une partie de la troupe qui tourne depuis 3 ans sur mon texte. Donc dedans, c'est des amateurs. Maintenant, il y en a quand même la moitié qui est en retraite parce qu'ils avaient les métiers qui leur permettaient de partir encore en retraite assez tôt. Et puis voilà quoi. Mais c'est leur vie, hein. Ils font que ça. Hein. Tous les soirs, ils répètent, ils sont dans le théâtre tout le temps, quoi. Et à part jouer les pièces de Jean-Pierre Levaret, ils jouent quoi d'autre, ces Ah, je personnes? sais pas, parce que moi je connais pas bien le théâtre contemporain. J'ai vu d'autres pièces, mais je peux pas te dire. Mais ce sont des choses à caractère social Là, ou c'est non, en très fait, divers, ils ont hein? découvert mon texte. Avec mon texte, ils ont découvert le théâtre plutôt social, quoi. En plus, ça les a engagés. C'est assez marrant, quoi. À force de, il y en a un qui est devenu syndicaliste dans une banque là où il bosse. Enfin, c'est plutôt marrant, quoi. Et puis les autres, vraiment, pour eux, c'est militer, hein, faire cette pièce de trait. Et donc, ils auraient voulu qu'elle tourne plus dans les usines et dans les lieux de travail. Bon, c'est compliqué, mais bon, ils en ont fait quand même. Et puis, l'Union locale du Havre, qui est une union locale CGT, qui est très, enfin, qui a changé, quoi. C'est plus les staliniens d'avant, quoi. ils ont fait jouer deux fois, enfin tout ça, et ça s'est hyper bien passé, c'était génial même comme moment, quoi. Maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi, ou c'est autre Oui, chose, hein? enfin, c'est une nouvelle vie parce que je vais plus à l'usine, continue, quoi. Je fais la même chose à un rythme différent. Enfin, je cours peut-être encore plus, mais bon. Non, bah, il n'y a pas beaucoup de changements. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas encore de changement. Ça fait que 3 mois, peut-être que ça viendra après. Mais j'ai beaucoup de choses à finir pour l'instant, donc je suis dessus et voilà. Justement, dans les prochains temps, Bah, dans les prochains temps, à part partir quelques jours en vacances bientôt, mais autrement, bah, j'ai la sortie de 2 livres. Le recueil de mes chroniques dans CQFD, de 10 ans de chroniques, donc ça fait un bouquin de 380 pages, qui sera pas cher, mais qu'il faut se le fader. Je pense pas qu'on pourra le lire d'un coup, puisque c'est des chroniques, donc c'est des portraits d'ouvriers et tout ça, donc je pense que ça peut se lire petit à petit, et qui sort chez Libertalia le 21 janvier. Et puis après, j'ai un autre livre que vraiment j'ai écrit dans les derniers mois de mon travail, qui s'appelle Pour en finir avec le travail, avec l'usine. Et non pas pour en finir avec le travail, mais c'était en référence que j'ai pris ce titre-là. Et puis qui raconte un peu moi ce que ma façon de percevoir bah, mon métier, l'usine, le fait d'écrire. Et puis j'ai voulu un peu, comment dire, je me suis mis un peu comme Annie Ernaux de mettre des comment de raconter ces années, là, nos années. Et donc moi j'ai fait nos années d'usine un peu avec des souvenirs, des machins, des tracts, donc je me suis fait un peu plaisir jusqu'au moment où j'en ai eu marre puis que j'ai dit qu'il faut que j'arrête avec ça parce que j'aime pas trop parler du passé donc à un moment faut s'arrêter. Puis j'ai arrêté le livre le jour où je suis parti en retraite, quoi. Ça devrait paraître au printemps. Je dis pas de date exacte parce que c'est entre le 22 février et puis le 1er mai, quoi. Donc il n'y aura plus de chronique dans le CQFD. Je vais continuer à écrire. Bon, pour l'instant, là, j'ai été très pris par le théâtre et cette soirée-là. Donc, ça fait 2 mois que j'écris pas. Et ce mois-ci, j'écris pas non plus. Mais après, normalement, je vais essayer de continuer. Mais après, il me semble que là, ça a un petit peu changé. Ils veulent faire plus de dossiers. Donc, ça prend plus de place. Donc, après, il reste moins de place pour des articles comme ça. Quand j'avais une chronique, c'était plus simple. Mais bon, ils sont cool, quoi. L'usine et le travail, en fait, la fin, c'est pas pour tout de suite. Bah, Sûr. l'usine et le travail, c'est fini, mais bon, après, il y a toujours des liens. Je te dirais que c'est moi qui, pour l'instant, continue à faire le journal du syndicat. C'est parce que j'écris plus dedans, mais comme ils sont pas très bons en mise en page, frappe et tout ça, tous les mois, je fais le journal, donc forcément. La DRH qui pensait que ça s'arrêterait avec moi, bah voilà, ça continue. Et puis avec toujours la même mise en page quand même, parce que chacun a sa personnalité, et voit bien que c'est toujours les mêmes qui font. Je voulais dire que, comment dire, avant de partir, j'ai été mis au placard, puisque j'avais plus de rôle syndical véritable, donc j'ai été mis dans un placard. Et cette DRH-là, mais ça m'avait été déjà proposé à la sortie de putain d'usine, m'a demandé si je voulais m'occuper de la communication de l'entreprise. J'ai dit, bah, je crois que vous n'avez pas bien compris mon propos. Moi, je voudrais juste te poser une question. Qu'est-ce que tu penses au niveau social actuellement, de ce qui se passe, mais survole le problème assez rapidement, quoi. Que ça aille des attentats ou à la situation politique, Oula, économique. Rapidement. Mais tout de moins au niveau social. Au niveau social, tout va pas. Le repli sur soi des gens, c'est terrible. Hein. Tout le monde est en position d'avoir mis la carapace et puis d'espérer que les coups vont pas tomber, ce qui fait que tout ce qui peut être mouvement social marche pas. Mais en même temps, quand je vois des gens comme Sidel qui est à Octeville près du Havre. Et les gens ont découvert la grève, là. C'est bon, bah, c'est la première fois qu'ils ont un plan social. Il y avait 380, enfin un plan de suppression d'emplois. Il y avait 380 suppressions d'emplois de présentées. Ils ont fait des actions, mais comme tu te dis, bon, bah, c'est bien que ça se fasse, quoi. Ils allaient dans les supermarchés pour enlever tout le matériel Tetra Pak, puisqu'ils travaillent pour Tetra Pak, c'est-à-dire comment ça s'appelle, les bidons en carton et tout ça. Ils en ont fait plein, ils ont fait plein d'actions. Il y a eu des blocages de la ville parce que les dockers se sont mis avec eux. Enfin, il y a eu plein de choses qui sont passées sur le Havre. Et puis ils ont occupé l'usine juste avant les fêtes, quoi. C'est pendant 9 jours et 9 nuits, ils ont occupé l'usine. Il y avait des concerts tous les jours, c'était festif et tout. Les gens ont découvert la grève là. Et puis que c'était super bien. Et c'est super marrant parce qu'il y a plein de choses qui se sont greffées à côté. Il y a eu des concerts de rock parce que Le Havre, vraiment, c'est très rock quand même. Tu vas à l'UL pour une réunion, avant, tu as du rock. Puis en plus, c'est pas des trucs gentils, quoi. C'est du rock qui bastonne, quoi. C'est fou, ils sont là-dedans. Tu vas à Sidel, il y a un rassemblement de 2000 personnes, t'as Nirvana à fond, des machins comme ça, mais c'est... Little Bob Story. Et comment dire, en plus, Little Bob est venu, moi j'y étais à ce concert de soutien, t'as Little Bob qui arrive, ah, il est gentil comme mec, quoi. Oui. C'est pas ma musique, mais le mec est tellement gentil que j'accepte tout, lui. Et puis voilà, et donc bon, je ne sais pas s'ils vont gagner. Ils ont réussi à faire reculer le nombre de suppressions d'emplois de 380, ils passent à 110. Bon, ce n'est pas une victoire pour les 110 qui restent, quoi, mais ça a vachement évolué. Bon, après, ils sont toujours maintenant, ils vont être dans les trucs de négociation, livre 1, livre 2 et toutes ces conneries-là. Mais bon, ils ont eu, vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la boîte. Et c'est marrant, puisqu'ils sont vraiment rock. Et ils ont créé des groupes de rock, là, les grévistes et tout. Il y avait le Sid L. S2EDL, l'enfer. Hein. Et ils sont allés sur scène et tout pour populariser leur grève et tout. Et puis en plus, c'est un groupe qui se crée et tout de suite, ils ont le look, tu sais. Trop bien, quoi. Ces gens-là, j'essaie d'y aller le plus souvent possible parce que. Et donc, heureusement, il y a des petites choses comme ça qui font qu'on peut se raccrocher parce que sinon, effectivement, les attentats, le FN et tout, on est mal. Comment dire le changement climatique, tout, on est très mal. Hein. Mais en même temps, je me demande si tout ça, c'est pas fait exprès pour qu'on reste chez soi, mais c'est tout. Après toutes ces années passées dans cette usine-là, ton rôle dans le milieu du travail, c'était quoi ton métier là-dedans, dans cette entreprise? La surveillance, Oui, bah enfin, c'était faire t'arrives pas marcher là. les machines, ouvrier de fabrication dans l'industrie chimique, c'est-à-dire on fait marcher des turbines, des fours, des compresseurs, et voilà, c'est ça. Le métier a évolué, c'est-à-dire qu'on va moins sur le terrain, puis on est sur des ordinateurs. Ouais. Et puis, voilà. Ouais. Tu travailles en 3-8, je suppose. Bah oui, bien sûr. Ouais, d'accord, ok. Ces D'accord. usines-là, tu les arrêtes pas tous les jours. Hein. Bah oui. Même, enfin, si tu les arrêtes tous les jours, c'est parce qu'elles marchent pas bien. D'accord.